MA2SA 02000, toi comme moi. 78-190, toi comme moi. Hightech, toi comme moi. Face B, face B. Cette vie m'inspire, frérot, le vice attire et veut nous voir tomber dans les abysses. Que la noirceur des cœurs tapis, sa solitude, poteau. Un jour ou l'autre, tout le monde la tisse, crise mine. Quand des cas fragiles te foutent en l'air ton bise, on les abîme. Je crois que c'est l'orgueil qui parle. Quand je te dis merde et casse les portes, j'ai le cœur en deuil. Faut que je le supporte. On veut partir la bâtisse, nous de bonnes relations. C'est pas trop bon d'être pisse, faire gaffe aux fondations. La bataille des potes, des thunes, j'ai perdu la raison, la forme, l'étude, moment hyper dur. Remonter la pente, comme toi j'y pense, le relais est à tes couches. Je peux pas monter 400 mètres d'éther dans les starting blocks. Comment vous dire qu'on s'en bat les couilles? Faut pas se mentir, on s'avoue plus dans la débrouille. Trop peu connu les richesses familiales, on se les a fait laciner. Les assistantes sociales, ça fait pas rire quand ça s'inspire. Frérot, le vice attire et veut nous va tomber dans les abysses. Que la noirceur des cœurs tapisse sa solitude, poteau. Un jour ou l'autre, tout le monde la tise, crise mine. Quand des cas fragiles te foutent en l'air, ton pis, cette vie m'inspire. Frérot, le vice attire et veut nous va tomber dans les abysses. Que la noirceur des cœurs tapisse sa solitude, poteau. Un jour ou l'autre, tout le monde la tise, crise mine. Quand des cas fragiles te foutent en l'air, ton pis, on les abîme. Le temps qui passe entre nos proches, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était son heure, un jour ce sera la nôtre. Au fond, c'est ta hantise. Savoir qu'elle pas dit sur elle des soucis. La solution miracle, tu peux t'asseoir dessus. J'arrache la peau, te retourne le cerveau. C'est pas peine à ce qu'on te fait tes mains sur les chaînes des infos. Manipulé par un système qui veut nous rendre escrocs. Marie taille son costard dans sa veuca sans s'empêcher de faire des accros. Authentique, y'a pas de secret, faut porter la ceinture. Je revendique ma vie passée, Inch'Allah, mon futur. Je crois qu'il ne sera pas banal, mais bien subliminal. Un vieux de la vieille qui te mettra des bananes si tu lui tourne le dos. Soutiens le poids de tous mes collabos. Des traits qui m'ont planté le couteau. Tu pourras dire qu'on m'avait prévenu. Ne m'en veux pas d'être une grosse tête de mule. Mais les conseils en parenthèse, ça vaut ce que ça vaut. Ouais, si tu me connais bien, tu te souviens que je lâche rien et que je m'efforce à faire ce qu'il faut. Je prends ma conso, même en période de crise, faut faire les bails. Pas comme ces lâches qui remplissent leurs valises. Cette vie m'inspire, cette vie m'inspire, frérot. Cette vie m'inspire, frérot, le vice attire et veut nous voir tomber dans les abysses. Que la noirceur des cartes tapisse sa solitude, poteau. Un jour ou l'autre, tout le monde la tise, crise mine. Quand des cas fragiles te foutent en l'air, ton bise. Cette vie m'inspire, frérot, cette vie m'inspire. Cette vie m'inspire, frérot. Toi comme moi. Cette vie m'inspire, frérot. Big up aux 300 likes. Cette vie m'inspire, frérot. Attila officiel, ma gueule. Cette vie m'inspire, frérot. 2016, 2017. Aïe, cette vie m'inspire, frérot. Toujours là, ma gueule. Ah, si, si. MA2SA, MA2SA, c'est plus m'inspire, frérot. Big up aux associés.